بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد غلطت الخوارج في هذا الباب فكفرت بالذنوب الكبائر وما ذلك إلا لجهلهم وإعراضهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم للصحابة Et on a étudié ensemble, walillahi alhamd, il y a quelques semaines, cette secte al-Khawarij, et on a détaillé ce fondement. Annahum ya'taqiduna anna celui qui fait un grand péché, c'est un kafir, wa yukaffiruna. Et on avait détaillé, walillahi alhamd. Et pourquoi hada? Comme a dit le shaykh, rahimahullah, illa li jahlihim wa i'radihim. Certains, c'est des ignorants, et d'autres, même si tu leur montres, fa yu'aridhun, ils se détournent, et suivent le hawa. Et kafar ahl al-ilm wa al-hukam, ça c'est des ashrar, comme sammahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, shirar al-khalq. Et les appelé كذلك kilab an-nar. Ha'oula, ils ont beaucoup de char. Et ils ont pris ce genre de verset ou de hadith où que c'est cité kufr ou shirk et ils font pas cette ou ils sont pas revenus à l'explication de ahl al-ilm et ils se sont égarés. Fa kam yaqtulun min al-abriya fi at-tafjirat wa al-ightiyalat. Ils font des attentats maintenant, ils tuent des innocents, femmes, enfants, et malgré cela, ils pensent que c'est le djihad. Alors que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « wa qitaluhu kufr » Lakin al-khawarij wa jami' ahl al-ahwa. Ils prennent le délit que quand ça les arrange, ou ils pensent que ça les arrange. Et quand c'est contre eux, ils déforment, ils se détournent, ils trouvent des explications « ba'id » Fal-hadr min al-hawa. Al-insan, quand il étudie un délit, il ne faut pas qu'il pense que ou il essaye d'adapter ce délit à sa situation. Ça, c'est min al-hawa. Comme a akhbar Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, anna ba'dahum, il tord les adillah hakada, hatta il adapte à sa situation. Et il essaye de placer le délit pour lui. Ça, c'est min al-hawa. Ta situation, c'est une chose. Thumma al-délil, tu dois le comprendre comme ils l'ont compris sahaba, comme ils l'ont compris ahl al-ilm. Si, alhamdulillah, le délit est en ta faveur, fahmadillah, c'est une ni'ma. S'il n'est pas en ta faveur, fatoub il Allah et revient. C'est ça le haqq. Al-hadar, il y en a beaucoup de nas, ils ont des preuves et elles sont ba'ides. Et dans l'étude qu'on fait ensemble, walillahi alhamd, sur les firaq, on a vu ça. Al-khawarij, ils utilisent des preuves, elles ne sont pas à leur place. Al-rawafid, al-murji'ah, al-qadariya, ces quatre sectes qu'on a vu et d'autres qu'on verra ensemble, bi-idnillahi azza wa jal. قال الشيخ نجمي رحمه الله وعدم أخذهم عنهم فوقعوا والعياذ بالله في البدعة الشنيعة. تأملوا قوله رحمة الله عليه وعدم أخذهم عنهم. Pourquoi ils se sont égarés? الإعراض. Et ils ont délaissé la compréhension des compagnons. رضي الله تعالى عنهم. الصحابة à cette époque et jusqu'à aujourd'hui, c'est des références pour cette umma. C'est eux qui ont assisté à la révélation, c'est eux qui ont compris les textes. Ils ont pris directement l'ilm à Nabi sallam, ils ont compris. Enfin, le qawl, c'est leur qawl, c'est pas ceux qui sont venus après. On doit comprendre comme ils ont compris eux. Comme a dit Azzawajal, فَإِنْ آمَنُوا بِمِتْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Si vous croyez à ce qu'ils ont cru, les premières générations, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, vous serez guidés. C'est ça le haqq. Et nous, c'est la même chose avec nos savants. Ça ne veut pas dire que nos savants, ils ont le rang de sahaba, radiyallahu anhu. Abadan. Mais pour comprendre l'explication ou la voix des sahaba, tu es obligé de revenir aux savants de ton époque. فالخوارج à l'époque de Uthman رضي الله عنه ils l'ont tué. ثم à l'époque de Ali ils l'ont combattu. Au lieu de revenir aux compagnons et comprendre comme ils ont compris, ils les ont combattus. انحرفوا حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين. Ils vont sortir de ce din comme يمرق السهم من الرمية. Une flèche quand elle est lancée très forte, elle transperce la proie et elle sort. Hakadahum, ils vont sortir de l'islam. Ba'd al-ulama, ils ont compris de ce hadith an al-khawarij c'est des kafara wa hakamu alayhim bil kufr annahum, ils sont sortis de l'islam. Et la mas'ala, il y a une grande divergence via hada al-bab. Lakin ala kulli hal, même si on dit que ça reste des musulmans, c'est des dollal. Pourquoi? Qalu wa adam akhdhihim anhum. Attention aqil karim de ne pas vouloir comprendre ce din tout seul. Les livres ça suffit pas. Les livres c'est une ni'ma. Lakin, ça suffit pas. Écouter des cours, ça suffit pas. C'est muhim. Ça suffit pas. Ça va t'aider dans beaucoup de choses. Lakin fi al-masail, al-nawazil, des choses qui se passent, des fitan, t'es obligé de revenir à Ahl al-Ilm. Dans le livre, il n'y a pas tout. Chaque situation, elle a des choses, elle a des conditions, elle a des choses qui vont l'expliquer, qui vont la détailler. Tu es obligé de revenir à Ahl al-Ilm. Fafi zaman al-fitna, al-fitna tul oula, à l'époque de Uthman, radiyallahu an, al-khubatha, al-ashrar. Pourtant, ils sont venus à la Médine. Et il y avait des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Uthman et d'autres. Au lieu de, s'ils n'ont pas compris, au lieu de demander pourquoi, ils ont tué Uthman. ثم ils ont tué Ali wa leur fitna ila yawmina hadha annahum yakumbat al-muslimin al-insan yahdhar et daiman ces deux parties il fait attention à le comportement qu'il doit avoir c'est qui les deux parties les savants et les gouverneurs fait attention kathirun minan nas ils sont égarés imma ta'n fi al-ulama imma ta'n fi al-hukam la sunni il doit connaître sa place. Et daiman il se rappelle قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله سبحانه وتعالى il les a élevés et il leur a donné cette place et ils ont été cités dans le verset après Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et bien sûr leur obéissance c'est par rapport à l'obéissance d'Allah et de son messager, laquelle on n'a pas le droit de se précipiter et ne pas revenir à eux, ne pas obéir, ça ouvre un bab sharb. Et on a un exemple avec هؤلاء الضلال. قال فوقعوا والعياذ بالله في البدعة الشنيعة. Ils sont tombés dans une bid'a kabira. Et on a détaillé leurs fondements. Et parmi leurs fondements, takfir les musulmans. حتى ils sont arrivés à un niveau. أنهم ils ont dit أن علي رضي الله عنه. Le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mari de sa fille. Un des premiers qui est rentré dans l'islam. Il a assisté à toutes les batailles pratiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf une. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné l'autorisation. Il devait s'occuper de Fatima radiallahu anha ou autre muhim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a autorisé, il l'a ordonné. Il a assisté à toutes les batailles. Et il fait partie de le khulafa al-rashidin. Malgré cela, avec ce rang, ils ont dit très simplement annahu sa kafir. Et ils l'ont combattu. Iyadam billah. La bid'a tul khawarij, c'est une bid'a khatira. Et à notre époque, elle s'est beaucoup propagée. L'imada. Pourquoi, cette fitna, que ce soit le Qaïda, il y a quelques années, ou Daesh, c'est le même groupe, ils changent les noms, et c'est pour égarer les jeunes, faqat, shabab, al-muslimin. Pourquoi, kathirun minan nas, ils sont partis avec ha'oula? Li'anna, Cheikh Najmi, il a résumé en quelques phrases. Al-jahl, wal-i'rab, des ignorants. Ils connaissent rien de leur dîn, internet faqat. Wallahi, ba'duhum, ils savent pas lire le Fatiha correctement. Ba'duhum, si tu lui demandes de réciter les mois de l'année en arabe, wallahi ma yadri. L'alphabet. On parle même pas des grosses messages. Là, des choses de base, annahum, ba'duhum, ils les ignorent. Thoma, internet. Un tel, il a dit. Des vidéos. Al-atifa. Les sentiments. Anna, tel peuple, il subit une injustice. La solution qu'il trouve, c'est at-ta'n fil hukam. Ils critiquent les gouverneurs, ثم بعضهم عيادًا بالله, ils passent à l'action, ils se font du mal et ils font du mal aux autres. Est-ce que tu as déjà entendu un talib ilm qui est avec eux? On dit même pas nous un alim. Un savant de la sunna qui est avec Daesh ou avec le Qaïda, que des juhal, masakin. Certains, ils ont une bonne niya au départ, c'est des jeunes et ils se font avoir. Et d'autres, c'est des khubatha, ashrar, ils profitent de l'ignorance de ces jeunes. Et كذلك de leur frustration. كثير منهم, ils ont. Ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie, et ils pensent que c'est ça, as-salam. Et كذلك, au lieu de revenir aux savants de la Ummah, ils les critiquent. Khassatan, ulama, al-mamlaka al-arabiya al-sa'udiya. Ils disent, annahum, ils sont, c'est des umala, annahum, c'est kada, hatta ils écartent ces jeunes de ces savants, et ils enharifoun, ils s'égarent, yadam billah. Et hum, ils accusent tous les savants, pas que ceux de al-mamlaka. Lakin, ceux de al-mamlaka, akfar. Lianna ad-da'wa li qawiyya hunak. الحذر الحذر إنسان يفئ attention يعني السد بدعة عيادا بالله الديتخوي لا بيرسون تأمل أن وعظهم ربما يقتل نفسه il est prêt à se tuer et كثير منهم ils sont passés à l'action il fait un attentat suicide et il se tue لماذا لأن السد بدعة خطيرة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit de se suicider بل الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. Avec cela, ils passent à l'action. Cette bid'a. Ils ont délaissé la voie des salafs. قال وهي تكفير المسلمين واستحلال دماء المعصومين واستحلال أخذ أموالهم. الحمد لله. Pourquoi c'est des kafaras? Ce muslim c'est devenu un kafir. C'est bien. Son sang, son honneur, ils n'ont plus aucune valeur. Allez, ah là, tu les trouves, ils font des attentats, ils volent, ils font toutes ces muharramat, et pour eux, c'est un jihad. Jihad fi sabil iblis. Amma jihad fi sabilillah, c'est pas hada abadan. Al jihad, c'est avec l'ulama, c'est avec ulat al-umur. Amma les hakada, les choses fardiyah, chacun il fait de son côté, tout ça c'est min al-shur ou al-fasad. قال وما يترتب على ذلك من إفساد عظيم. Ça c'est à l'époque de Sheikh Najmi rahmatullah alayhi. Il est mort il y a quelques années. C'est drôle, c'est des affaires il y a quelques années. والآن أكثر. الآن c'est un fasad عظيم. Dans beaucoup de pays à cause de هؤلاء الأشرار. فالتفريق بين الكفر المخرج من الملة والكفر غير المخرج من الملة أمر له خطورته كالحكم بغير ما أنزل الله إذ إن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة وهو كفر دون كفر. Autre exemple. وكثير من الضلال se sont égarés في هذا الباب. الحكم بغير ما أنزل الله. قال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Allah سبحانه وتعالى dans le verset les a appelés كافرون. Vu que بعض الناس se sont éloignés du ilm, ils font plus ce tafriq. Est-ce que c'est du kufr akbar ou asghar? Ibn Abbas, radiyallahu anhu. كذلك le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de son oncle Al-Abbas, radiyallahu anhum. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait du'a. Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Il lui a fait du'a pour qu'il comprenne ce Coran. Ibn Abbas, عند الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه. C'est pas le kufr que vous avez compris. Et que ça fait sortir de l'islam. إنه ليس كفرا ينقل عن الملة هو كفر دون كفر. كفر دون كفر أي أصغر. C'est pas un grand kufr. Bien sûr, il y a un tafsil. Amma celui qui pense que c'est permis l'akhiri, c'est autre chose. Amma celui qui gouverne بغير ما أنزل الله, لكن c'est un musulman. Et il sait qu'il est mukhti, comme on a déjà dit. Il pense pas que c'est halal. لكن il le fait pour plusieurs raisons. Une faiblesse de foi, dépression et l'akhiri. C'est un asi, et c'est très grave, lakin ça ne le fait pas sortir de l'islam. C'est ça, fahm, as-sahaba radiyallahu anhum fil mas'ala. Vu que certains ignorants, ils ont délaissé tout ça, un gouverneur, l'un, qui juge pas autre que les lois d'Allah, indahum, c'est un kafir. Et si c'est un kafir, ça implique quoi, indahum? Anahu, son sang, il est halal. On ne doit plus lui obéir. Il n'a plus aucune autorité sur nous. Thumma, ça finit des attentats, il a akhir. Et du fasad. Est-ce qu'ils ont arrangé les choses? Abadan. Wala taghtar akhil karim. Ne pense pas أنهم يفعلون الحكم بما أنزل الله. والله صدق الذابون. المملكة العربية السعودية حرسها الله. C'est un bilad طيب ويحكمون بما أنزل الله. On ne dit pas qu'ils sont parfaits, لكن ils font beaucoup d'efforts. ولله الحمد. Ils appliquent الشريعة dans les tribunaux هناك. Ils font du خير. Malgré tout ça, عند الخارج, c'est la pire des دول. Pourquoi? Alors que cette دولة, elle applique شرع الله. Ça, ça te montre أنهم, c'est pas ça. C'est le هوا. C'est le hawa. Ils veulent que ces gouverneurs, ou plutôt ils veulent que les gouverneurs viennent d'eux. Ces gouverneurs, wallahi, demain ils appliquent la sharia à tous les gouverneurs des pays musulmans, tu trouveras le khawarij, ils diront quelque chose. Les ma'ada, les anna salafahum, leur salaf, qatalou Uthman. Est-ce que Uthman il appliquait pas la sharia? Uthman c'est un sahabi, radiyallahu anhu. Sahabi kabir, min al-khulafa. Ali, ils l'ont combattu, radiyallahu anhu. Un sahabi kabir. Donc là, tartar, c'est du kadib. Al-qawm, ils veulent al-fasad ou al-ifsad, et ils ne veulent pas l'ilm. Falihada, walaw, ils se font conseiller par l'ulama, da'iman, ils ont des shubah, ayyadam billah. Donc, nous, fais attention, ne visite pas leur site, ne naqash pas. Comme minan nas, ils ont voulu naqash ha'oula, dans leur site internet, l'an, avec des salons, ila akhiri, thumma dakhalat alayhi shubhatul khawarij. Peut-être que tu n'as pas un niveau. T'es pas assez compétent, t'as pas assez étudié ces mazahs, ils vont te citer certaines choses, certaines paroles, et ça va te mettre des doutes. Coupe les liens avec Haoula, que ça soit directement ou avec les réseaux ou par téléphone. La tunaqishum. Wallah, ils veulent pas le khair. Ils ont pas écouté Ahlul Ilm. Fa kayf ils vont t'écouter ant? Celui qui connaît wahad ki ala dal fikr, ad-du'a lah. S'il est sincère, an-nasiha, tu lui envoies un livre, un audio. Et ne polémique pas. Et coupe les liens. Il y en a, il pourra te faire du mal. Ba'dhum, c'est des khubatha, khida'. ils emploient at-taqiyya mitl ar-rawafid, il te fait croire anahu il accepte et kada, et à la fin il te fait du mal. Fahdharu, ce groupe fihi sharrun azim, et la umma elle souffre encore depuis l'époque de Uthman ila yawmina hadha à cause de haoula. Et comme وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان قديما, depuis l'époque de Uthman رضي الله عنه jusqu'à aujourd'hui. Même si de temps en temps tu les vois, ils font telle chose dans tel pays de Kufr, lakin la plupart de leurs efforts, iyadan billah, elles sont concentrées contre les gouvernants musulmans et contre les musulmans. Ala niqash ma haoula, avec n'importe qui min ahl al-ahwa. Et haoula, c'est encore plus, leur fitna est encore plus grande. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, an yakfina sharrahum.